Je regardais ça du coin de l'œil. C'est le fun, le hockey féminin, mais puis rien de anti-femme, là, loin de moi l'idée de blaster les filles. Là. Mais j'ai tout hâte pareil que le hockey de gars commence. Là, pis c'est juste physique, là. Ça va plus vite, ça brasse plus, c'est plus rapide, c'est juste pour jeu. C'est juste c'est ça va plus vite. C'est la même, c'est la même game, mais à un niveau différent. Ça commence demain, ça. Hein? C'est presque le même système de jeu, beaucoup moins rapide, avec beaucoup moins de mises en échec. Mais il y a du beau hockey quand même, hockey féminin. Non. Non? Non. J'ai essayé de faire mon bout, là. Yannick vient de me péter ça dans la face. C'est hockey féminin, c'est un peu de la ringuette, là. Ouais. OK, je vais t'arrêter tout de suite. Je sens les plaintes arriver. Donc, celui que vous venez d'entendre rire avec élégance, c'était notre prochain invité, l'élégant Denis Julien.